Si bon Dieu t'a tourné moins en fait. Monte que monte échange en tes oiseaux. Les soirs, les matins, t'es que fini. Monte que content, ouais, tout à l'entour moi. Si bon Dieu t'a tourné moins en fait. Monte que monte échange en tes oiseaux. Les soirs, les matins, t'es que fini. Moi, t'es que content, ouais, tout à l'entour moi. Mais, m'en savent qui tout ça, c'est seulement en rêve qui ça qu'arrivé. Passe-moi bien désolé, les deux jours passés sont venus, ouais, moins cher. Avant la rosée, petit matin, en beauté, m'en t'es que rouvé pétale, moi. M'en t'es que si fier qu'il choisit, moi. Qui m'en t'es que offert tout nectar en moi. Quand bien remarqué, ouh,